Non, graffine pas, ou fais mon frisson d'ici moi. Ah, ou accoute pas, oublie pas moi, à toi na moi. Masse ton mon mollet, ça touille pas mon pied s'il te plaît. Mais pas besoin d'être pressé, la nuit elle est encore longue, mon gâté. Oh, sois pas pressé, attends mon gâté, na toute la nuit pour ça. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Sois pas pressé, attends mon gâté, na toute la nuit pour ça. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Là pas moins le terre, ouais. Mais la série mis sa speedé. Et moi la dia où t'as l'air, si ou écoute pas où ça paye. Dites en trois mouvements, la STA ou les prix des dents. C'est là que mis ça prend mon temps, pour faire sa vie et ton sentiment. Il est pas croyable, c'est que les croix que moi il est pas capable. Donc elle est indispensable, qu'il y a mon côté véritable. En plus tu connais bien, qui ça mis cosaques c'est moi. N'a point plus gourmand que moi, doudou demain elle est encore loin. La tisapi, c'est moins que les tis, m'y comprends pis tellement moins la envie. Moi va plus qu'elle idée, c'est rue la mise, ça commence délirer. Sois pas pressé, attends mon gâté, na toute la nuit pour ça. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Sois pas pressé, attends mon gâté, na toute la nuit pour ça, ouais ouais. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Ah, c'est lui, oui, toi. Caresse à moi, mord à moi dans mon cou. Non, non, m'y arrête pas. Non, pas comme ça, au série. Eh ben là, je fais un pénal. Didier qui grince sur Réunion Première. Sois pas pressé, il est 10h, le journal France Info. À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Shimon Peres est mort. L'information a été annoncée cette nuit par son gendre et médecin. Il était une figure de la vie politique israélienne, le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël, également prix Nobel de la paix. Le déficit public sous la barre des 3% l'an prochain, c'est l'objectif du budget présenté ce matin. Il sera difficile à tenir, on vous expliquera pourquoi. Nicolas Sarkozy au cœur d'un livre au vitriol. Son ancien conseiller Patrick Buisson, avec lequel il s'est fâché, a pris la plume et comme dirait l'autre, c'est du brutal. L'acteur le mieux payé de France est un sacré radin. Radin, c'est le titre du nouveau film de Danny Boone, mi-drôle, mi-mélo. France Info. Un homme de paix, donc voilà ce qui revient le plus souvent dans les hommages qui sont nombreux ce matin rendus à Shimon Peres. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix est mort cette nuit. Il avait 93 ans. On retrouve tout de suite Marie Semelin. Vous êtes en direct de Tel Aviv à l'hôpital où Shimon Peres avait été admis il y a 2 semaines. Oui, et ici les visages sont graves dans le hall de l'hôpital de Tel HaShomer. C'est son fils et son gendre qui ont annoncé officiellement son décès un peu plus tôt ce matin. L'héritage de notre père a toujours été le futur. Regardez vers demain, voilà ce qu'il nous a appris. C'est par ces mots que son fils s'est exprimé. Vous vous en doutez ici, l'émotion est immense. Israël s'est endormi hier soir inquiet pour Shimon Peres et se réveille ce matin en deuil. Toute la classe politique israélienne lui rend hommage au-delà des clivages. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a fait part de sa douleur profonde et a salué le bien-aimé de la nation, même s'il a été l'un des plus féroces adversaires politiques de Shimon Peres. Mais tous ici portent le deuil du dernier père fondateur de l'État hébreu. Et le ministre de l'Éducation vient également d'annoncer que la première heure de cours dans toutes les écoles serait consacrée ce matin à Shimon Peres. Hier déjà, l'inquiétude était grande sur son état de santé. Les médecins avaient annoncé une dégradation de son état et des dommages neurologiques irréversibles. Depuis 2 semaines, vous l'avez dit, il était hospitalisé ici. Et après l'aggravation de son état, eh bien, sa famille s'est rendue ici à l'hôpital pour être à ses côtés et pour pouvoir lui dire adieu. Marie Semelin en direct de Tel Aviv pour France Info. Shimon Peres avait reçu le prix Nobel en 1994 pour avoir été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo signés avec les Palestiniens. Des accords destinés à ramener la paix au Proche-Orient. Et c'est ce que retient François Hollande qui salue la mémoire de l'un des plus ardents défenseurs de la paix. Quant à Barack Obama qui a été le premier à réagir, il nous livre un hommage aux accents lyriques. Une lumière s'est éteinte, mais l'espoir qu'il nous a donné brûlera à jamais. Le gouvernement va présenter ce matin le dernier budget du quinquennat. Il prévoit de ramener le déficit à 2,7% du PIB l'an prochain. Isabelle Chailloux, bonjour. Vous êtes en direct de Bercy. Cet objectif est très ambitieux car dans ce budget, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et oui, et d'autant que cette promesse de ramener le déficit sous les 3%, elle date de 2013. Le gouvernement assure pourtant que l'année prochaine, elle sera enfin tenue, quitte à parier sur des hypothèses très optimistes. La croissance d'abord, Bercy table sur 1,5%. En 2017, c'est plus que les prévisions de la plupart des économistes du FMI à l'OCDE. Or, si la croissance est moins élevée, ce sera aussi moins de recettes pour l'État. Pourtant, en multipliant les annonces ces derniers mois, l'exécutif va devoir financer près de 10 milliards de nouvelles mesures, hausse des salaires des fonctionnaires, mesures pour les jeunes ou encore baisse d'impôts pour 5 millions de contribuables. Tout sera financé, répond Bercy, qui fait preuve au passage d'une certaine ingéniosité comptable, puisque par exemple les 5 milliards du pacte de responsabilité pour les entreprises ne seront techniquement pas imputés sur le budget de l'année prochaine, mais sur celui de 2018. Sauf que de toute façon, d'ici là, il y aura eu une présidentielle, puis des législatives, avec à la clé en cas de changement de majorité, de nouvelles orientations pour les finances publiques. Autant dire que ce budget 2017 est hautement hypothétique. Isabelle Chailloux en direct du ministère de l'économie pour France Info et vous êtes avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Il ne fait pas bon se fâcher avec ses amis, surtout quand leur vient l'envie d'écrire un livre. Nicolas Sarkozy en fait l'amère expérience. Son ancien conseiller Patrick Buisson, avec lequel il a coupé les ponts il y a 2 ans, a décidé de régler ses comptes dans un ouvrage intitulé « La cause du peuple » qui sort demain, mais dont les bonnes feuilles ont déjà été publiées par l'Express. Presque 500 pages qui rapportent, ou en tout cas qui disent rapporter, des propos tenus en privé par l'ancien chef de l'État, visiblement adepte des piques assassines contre son propre camp. Jacques Chirac, un homme corrompu, François Fillon, un pauvre type, Christian Estrosi, un abruti qui a une noisette dans la tête. Voilà ce que l'on peut lire dans ce livre et voilà ce qu'en pense le député Les Républicains de Paris, Claude Goasguen. Je ne savais pas que Buisson fouillait dans les poubelles. Il n'est absolument pas crédible. Je trouve qu'il prend une responsabilité qui ne l'honore pas, de salir une politique qui est déjà suffisamment compromise comme ça. Franchement, c'est dégueulasse. C'est des bouquins dégueulasses qui n'honorent pas la politique et qui n'honorent pas ceux qui les écrivent. On peut tous raconter n'importe quoi, hein, sans avoir même de micro sur soi. Lui dit qu'il a les enregistrements. Oh, ben là, les enregistrements, alors qu'est-ce qu'on s'en fout de ces enregistrements? Très franchement, Buisson doit retourner dans la poubelle. Voilà. À tout le monde, ça va porter préjudice, parce qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. Bien sûr, ça porte préjudice à Nicolas Sarkozy et à toute la politique en général. Franchement, en ce moment, le spectacle qu'on donne de la politique, aussi bien aux États-Unis qu'en France et ailleurs, je comprends qu'il y ait du populisme qui naisse, mais ça fait sans doute plaisir à Buisson. Et Nicolas Sarkozy a lui-même réagi, une phrase sibylline, ça ne m'intéresse nullement. La garde à vue de Christian Flèche a été levée hier soir. L'ancien chef de la PJ parisienne sera convoqué ultérieurement chez le juge. En revanche, Bernard Squarcini est lui toujours entendu. L'ancien patron du renseignement intérieur est soupçonné de trafic d'influence. Le procès de l'affaire de la chemise déchirée du DRH d'Air France va reprendre dans une heure maintenant. 15 salariés de la compagnie sont jugés devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Hier, les débats qui ont pourtant duré 11 heures n'ont pas vraiment permis d'y voir plus clair, Laurent Doulcin. Sur quels éléments va pouvoir s'appuyer le procureur tout à l'heure pour demander des sanctions pénales contre les salariés d'Air France? À l'issue des débats, la réponse à cette question n'a rien d'évident. Les quelques témoignages à charge entendus hier sont fragiles, compte tenu de la confusion générale qui régnait le 5 octobre 2015 au siège d'Air France. Le visionnage des nombreuses vidéos enregistrées pendant les incidents n'a pas permis non plus de dégager des certitudes. Aucune image ne montre clairement les syndicalistes incriminés frapper les dirigeants d'Air France ou arracher leurs vêtements. À certains moments, des délégués syndicaux tentent même visiblement de calmer le jeu et de protéger les deux cadres. Après le réquisitoire, la défense devrait donc logiquement plaider la relaxe de la plupart des prévenus. Un mauvais résultat pour Lyon hier soir en Ligue des champions de football. L'OL s'incline à Séville 1-0 pour son deuxième match de poule. Monaco a réussi à arracher le nul, un but partout face au Bayer Leverkusen. Ce soir, le PSG se dépasse chez les Bulgares de Ludogorets. Danny Boone est de retour au cinéma dans une comédie taillée sur mesure pour remplir les salles. Le film Radin de Fred Cavaillé, dans lequel il interprète un homme avare au dernier degré. Un film à moitié réussi, Thierry Fioril. Danny Boone en radin pathologique, égoïste et lâche, pour l'acteur performeur de la scène, ça sonne comme une évidence. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Et effectivement, ça marche. Le personnage de François Gauthier, violoniste célibataire endurci, une femme et des enfants, ça coûte cher, tient la route pendant la première moitié du film. Fred Cavalier vient du cinéma d'action, on attend du rythme. Il y en a jusqu'à la meilleure scène du film, quand Danny Boone est au restaurant avec une violoncelliste qui le sort de sa solitude. Vous avez du bulot ? Une assiette de bulot. Ouais, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les mélos. Mais ça n'ira pas plus loin. Allez savoir pourquoi. Le film passe de la comédie au mélo. Le radin apprend qu'il a une fille, une adolescente qui bouleverse sa vie. Et le scénario trébuche lourdement sur des incohérences et des leçons de morale à 2 €, ce qui est déjà trop cher pour le personnage principal. Et comme ce radin est violoniste, de l'art moyen coup d'archer sirupeux achève le spectateur qui, lui, ne demandait qu'à rire. Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui. Oh là là, les gens sont incroyables. Elle est une exposition maintenant pour les jeunes de 7 à 77 ans qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Elle est consacrée au père de Tintin, le dessinateur belge Hergé, qui n'a pas fait que Tintin dans sa vie. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à travers les œuvres présentées au Grand Palais. Et c'est la première fois que le Grand Palais ouvre ses portes à un auteur de BD. Voilà, et ce sera donc jusqu'au mois de janvier. Merci beaucoup Mathilde Munoz, il est 8h08, l'œil sur le ciel. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Soleil en matinée, des nuages pour l'après-midi et particulièrement sur la moitié nord-est. De la pluie dans la région du volcan vers Takamaka et là où le soleil sera toujours généreux, c'est dans le sud et dans l'ouest. Les températures affichées pour aujourd'hui, entre 25 et 26 sur le littoral est, 26 et 28 degrés sur la côte ouest et puis au volcan et aux alentours, le mercure atteint 18 à 20 degrés. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le départ de la course sera donné aujourd'hui à 15h47 sur l'hippodrome de Mont-Saint-Michel pour le prix du Grand National du Trot. 5 850 000 € dans la tirelière. Les pronostics du fouineur, du gire, le 8, le 9, le 14, le 7, 12, 15, 17 et le 6. Je vous les redonne. 8, 9, 14, 7, 12, 15, 17 et le 6. Et bien, un mot quand même sur le quintet d'hier à Enghien. Il fallait trouver le 8, le 15, le 16, le 5 et le 4. 8, 15, 16, 5 et le 4 est le numéro plus le 03, 76. La médiation familiale est au cœur de votre émission des experts sur la première. Un seul numéro de téléphone pour donc contacter Réunion Première, c'est le 02 62 99 2000 et puis aussi par SMS pour les textos 06 92 70 2000. Alors la médiation familiale pour éviter des conflits familiaux, si séparation ou divorce, dites-vous que vous avez des droits, certes des devoirs aussi. Comment va s'organiser l'accueil de vos enfants après la séparation? Comment en tant que père continuer à assurer le suivi scolaire de sa fille? Ce sont là quelques exemples de questions. Vous ne voyez plus vos enfants et en plus vous devez payer. Votre frère est parti de la maison. Vos parents ne veulent plus le voir et pourtant. Et puis votre fille qui ne veut plus que vous voyez votre petit-fils. Comment donc lui reparler? Voilà, des exemples. On en parle jusqu'à 11h30 sur la première. 02 62 99 2000. Puis toutes les questions concernant les allocations familiales, c'est possible également. Je vous redonne le numéro de téléphone. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les finis et tigre de la Réunion dans un petit village là-bas la campagne. Votre seul avis, ça m'est pas si compliqué. L'itienne à son métier, l'y vit sur la vie tranquille. Les finis, un petit coin de la Réunion. Dors un petit village, ça va la campagne. À votre seul avis, ça m'est pas si compliqué. L'itienne à son métier, vit sur la vie tranquille. Comme on a l'été pourtant ailleurs, l'été ça rôde la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pourtant d'ailleurs, l'été ça rôde la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pourtant d'ailleurs, l'été ça rôde la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu.

Donc des personnes qui n'ont plus de communication, c'est rupture de... en situation difficile, situation, de communication ou en rupture. Situation de conflit aussi, Fabrice Valliamé, c'est ça? Oui, il y a une situation conflictuelle entre les deux parents et concernant alors, leur enfant. Lorsque vous dites deux parents, c'est-à-dire le père, la mère... Le père, la mère... Voilà. Après, ça peut concerner aussi les grands-parents. Voilà, donc là, la médiation ne s'adresse pas uniquement aux parents, mais la médiation s'adresse aussi, bon, entre autres, aux couples qui sont en situation de séparation difficile, aux parents qui sont en situation de rupture et de divorce, aux grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants, mais aussi aux jeunes adultes et parents qui sont en conflit. On peut retrouver également des cas de rupture de communication au sein d'une même famille. Alors j'avais noté notamment aussi que, évidemment, donc on a des droits, les allocataires ont des droits, ils ont aussi des devoirs. C'est des exemples, comment en tant que père continuer à assurer le suivi scolaire de sa fille, ça aussi? C'est aussi donner une place à chaque parent auprès de son enfant dans le cadre de la médiation familiale, en passant par la médiation familiale. Donc l'intérêt, c'est vraiment rétablir le rôle, la parentalité au sein de la famille. Qui est le médiateur familial? Le médiateur familial, c'est un travailleur social diplômé d'État. Oui. Voilà, qui a des connaissances psychologiques, en droit, en suivi sociaux, et qui va être un tiers neutre, qui va accompagner en fait ses parents dans la recherche de solutions par rapport à leurs enfants. Alors, à quel moment il faudrait se pencher sur ce médiateur familial? La famille peut faire appel au médiateur. La famille va faire appel au médiateur lorsqu'il sent que la communication est difficile. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut prendre rendez-vous avec un médiateur familial. Donc, vous avez les coordonnées des différentes associations que la CAF finance sur notre site local, sur les pages partenaires du site CAF local. Donc, et ce médiateur va essayer de trouver des solutions, un accord amiable avec ses deux parents. Vous travaillez avec aussi des partenaires, hein? Oui. Donc la RAJUFA, entre autres. Voilà, la RAJUFA, ses partenaires sont financés en fait par la Caisse d'allocation familiale, mais la CAF n'intervient pas directement auprès des familles. Ce sont bien ces associations et ses partenaires constitués de médiateurs familiaux qui vont intervenir auprès des gens. Les experts de la Caisse d'allocation familiale, Linda Carteil, Fabrice Valliamé, sont à votre écoute. Vous composez le 02 62 99 2000. Nous irons tout à l'heure au téléphone retrouver Jean-Philippe. C'est par rapport à une séparation, il appelle de Saint-Paul. On le retrouve dans 3 minutes sur Réunion Première. Vos questions par SMS également au 06 92 70 2000. Et puis profitez aussi de la présence de nos experts pour réagir sur toutes les allocations familiales. Médiation familiale, on en parle sur Réunion Première. Et puis toutes les questions concernant les allocations familiales, un seul numéro de téléphone à composer, le 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Pour vous écouter et répondre aux questions, c'est Linda Cartaillé et Fabrice Valiamé et puis Jean-Philippe au téléphone, Jean-Philippe de Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Ou alors, attendez Jean-Philippe, prenez votre téléphone parce que là, on vous entend de loin. C'est vrai? Oui. Non, parce que maintenant, le téléphone près de ma bouche. Parce que il y a un écho, c'est pour ça. Bon, alors, allez-y. Non, allez-y. Il déplace à moi, alors. S'il vous plaît. Là, elle est bon ou pas? Mieux. Les mieux? Les mieux. Et bon, d'accord. Alors. Non, c'était juste pour dire que le sujet, il intéresse à moi, parce que, à moi personnellement, j'ai été interpellé parce qu'il m'a séparé avec mon madame, au niveau de la CAF, là. Où est-ce que l'a invité aujourd'hui, là? Oui. Les experts de la CAF, là. Ça, oui. C'était le genre. Oui. Oui. Et parce que, vois comment elle a séparé, là? Bon, madame l'avait expliqué, bon, on peut une affaire avec Banna, et que c'était pas vrai. Et en fin de compte, hein, les membres de la CAF, ils ont été à trop les papas trop vite. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que les mamans, ils disent, des fois, il faut. Alors, ne va pas rentrer dans les détails, Jean-Philippe, hein, parce que c'est juste que, donc, là où appelle par rapport à une séparation. Oui, voilà. C'est ça, une séparation, on a des enfants? Oui, mais on a trois. Trois marmailles. Quand on dit séparé, divorcé ou... Séparé, parce qu'il m'a reconnu mes enfants, c'est tout. D'accord, très bien. Alors, oui, Linda Cartaille. Oui, ben juste pour Jean-Philippe. Voilà, juste pour dire à monsieur que ben l'intérêt de la médiation, c'est justement de redonner une place au papa. Le médiateur familial ne prend pas parti, hein. Ouais. Attention, Jean-Philippe. Le médiateur familial, c'est quelqu'un qui reste neutre, qui ne va pas du tout prendre parti ni pour la maman ni pour le papa. Le rôle, justement, l'objectif, c'est de donner une place à la maman et au papa. Les deux. Donc, les deux parents. Donc, même qu'importe ce que l'un ou l'autre peut dire, c'est pas l'intérêt du tout de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir ces deux parents, mais dans des conditions correctes. Voilà. Donc, c'est à vous. Parce que, en fin de compte, moi, mes enfants, c'est tout ce qui compte pour moi. Ben, c'est très bien. Ce que j'ai se passé après la CAF, ils demandent, excusez-moi, si ça devient un mot, peut-être les papas, mais la CAF, ils rôdent que pour les papas. Ils rôdent pas si la maman a déconné. Ils disent pas rien, quoi, laisse passer, moi. Fabrice, mais seulement que la CAF, ils rôdent juste pour les papas. Ils rôdent pas ce que les papas, ils ressentent pour les enfants, ce que papa l'a fait pour les enfants, juste parce qu'il a séparé. Il a une autre compagne. Et là, les mamans, ils disent n'importe quoi chez les papas. Ça, c'est un peu le sentiment de Jean-Philippe. Mais bon, oui, Fabrice Valiamé. Bonjour, monsieur. Vous en pensez quoi? Oui. Bonjour. Alors, concrètement, par rapport à la CAF, si je reprends bien vos termes, hein, la CAF, entre guillemets, vous embête un peu. Vous avez une décision de justice qui vous a condamné à payer une pension alimentaire? Non, mais la pension alimentaire, c'était pas un problème, hein, parce que mes enfants, je les ai reconnus. C'est normal que j'aide mes enfants. C'est normal que mes enfants, ils vivent bien. Mais tout à fait. On a raison. C'est tout à votre honneur. Mais là, monsieur, donc franchement, on peut vraiment faire appel à la médiation familiale pour trouver un accord avec madame, pour pouvoir organiser la visite avec... Non, ben ça, c'est sur la volonté. Oui, mais peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, de trouver un accord entre les deux pour pouvoir voir les enfants quand il faut, pour souvenir à leurs besoins. Là-dessus, là. Oui. Ils voient mes enfants, parce que les enfants, là, disent vraiment la vérité. Mais les enfants, là, disent vraiment... Non, mais alors... Mais on ne peut pas. Jean-Philippe. Maintenant, je dis que... Pardon, excusez-moi. Il travaille intérimaire, mais il travaille comme un Ouais. Mais Jean-Philippe, est-ce qu'on sent avoir le besoin ou pas d'un médiateur familial? Mais c'est quoi un médiateur familial? Déjà, la CAF, la parole, ce que m'a l'a dit, et au tribunal, oui, mais c'est la parole, ce que m'a l'a dit. C'est peut-être la démarche, Oui, mais Jean-Philippe, peut-être on l'a pas eu la bonne, au départ, en fait. La bonne idée d'aller vers le médiateur familial. Linda Cartaille, dans le cas de Jean-Philippe, alors. Oui, dans le cas de Jean-Philippe, franchement, la CAF va prendre des renseignements administratifs. La CAF va jamais porter un jugement sur la situation familiale de l'un ou de l'autre. Donc, enlevez ça de votre tête, voilà, Jean-Philippe. Il ne faut pas rester avec ça. Peut-être que Micha a dit, peut-être que Micha n'a pas compris, oui. Mais Micha a dit, comme il travaille, il est vrai qu'il gagne 2000 euros midi, hein, il habite moi tout seul, il gagne 2000 euros, comme il travaille, mais comme il ne travaille pas, il gagne 900 euros. Il menait un loyer de 500 et il veut en terre à moi. Non, monsieur, c'est alors, pas dans, l'objectif de la CAF. Donc, franchement, là, ce que je vous propose, c'est d'aller... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, vraiment, Jean-Philippe? Là, je vous propose de rencontrer Horizon Médiation, qui est une association de médiateurs... Où ça, il est en... Qui est sur Saint-Paul et qui est au 57 bis rue Potier, à Saint-Paul. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 06 92. Bon, Jean-Philippe, on va. Parce que j'ai déjà coupé la radio et ça. Oui. Jean-Philippe, oui, écoute un peu, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça, mais ça y est, donne à vous les bonnes infos. C'est pas ça. On a votre numéro de téléphone, on vous rappellera pour vous communiquer ce numéro de téléphone que l'on vient de vous donner à l'antenne, d'accord? Voilà. Mais veux rajouter quelque chose, mais peu? Bien sûr, Jean-Philippe. Oui, et parce que moi, quand les enfants ils viennent à casa, oui, ils manquent pas de rien. Mais c'est bien. Ils sont au magasin, ils achètent des vêtements pour eux parce qu'ils peuvent faire ça. Mais aussi, c'est de la maman qu'on a un papa à côté d'eux ou un papa. Merci, Jean-Philippe. Ouais. On a votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Merci d'accord. À vous, les questions, les réactions. Merci d'écouter à moi. On est là pour vous écouter, bonne journée. On est là aussi pour vous accompagner et pour vous aider. Surtout, merci. Jean-Philippe. Et bonne journée à toutes. Merci, de même. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Il y a encore évidemment pas mal d'informations à donner. Jusqu'à 11h30, on peut revenir sur la médiation familiale. On revient aussi sur tout ce qui concerne les allocations familiales. Profitez de la présence de nos experts au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Pour la France. De la caisse d'allocation familiale sont avec nous aujourd'hui, Linda Cartaille et Fabrice Valliamet. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alors avant d'avoir Nadine au téléphone, elle est de Saint-Leu, une réaction par SMS au 06 92 70 2000, c'est Harry qui nous dit, pour avoir vécu une médiation pour divorce, je vous affirme que le médiateur n'est pas un tiers neutre, le papa est condamné d'avance. Ça c'est le sentiment de notre auditeur Harry. Linda Carteuil. Bon, ça peut rester un sentiment, mais le rôle fondamental du médiateur, c'est vraiment d'assurer un rôle neutre. Il n'a pas à prendre parti pour aucun des deux parents. Il faut savoir que le médiateur familial, c'est une personne qui a suivi une formation de 3 ans, qui est diplômée d'État. C'est un professionnel, hein? C'est un professionnel de la médiation. Ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise du jour au lendemain médiateur. Donc, comme posture, il doit être neutre et ne pas prendre parti. Parfois, on peut avoir ce sentiment parce que sous le coup de la colère ou parce qu'on a l'impression que ce qu'on souhaite faire ou ce qu'on demande n'est pas entendu. Mais ça peut être du ressort, du ressenti. Alors, son rôle, ça va être vraiment d'écouter les deux personnes, de trouver une solution pour les deux personnes. Trouver une solution, surtout dans l'intérêt de l'enfant. Pour les 4, il y a des enfants, voilà. Voilà, c'est ça. L'objectif principal de la médiation, c'est que les deux parents s'accordent sur l'intérêt de l'enfant. 02 62 99 2000 pour toutes tes questions. Alors, on a Nadine au téléphone. Bonjour Nadine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Saint-Leu, Nadine? Oui, exactement. En fait, il n'y a rien à voir avec le médiateur. C'est pour savoir, comme j'ai mon fils qui habite chez nous, il a 23 ans et je viens d'avoir un CDI. Je veux savoir ce qu'il voudra faire au niveau de la CAF. Il vient d'avoir un CDI, c'est ça? Oui, cette semaine même. C'est une bonne nouvelle, Nadine. Oui, très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, vous l'embrasserez pour nous. Et donc il habite chez vous pour l'instant? Oui, il a toujours habité chez nous, il a 23 ans. Il a toujours habité chez vous, il a 23 ans. Oui. Et vous souhaitez savoir... Comme nous on peut installer RSA, donc je veux savoir ce qu'il faut faire au niveau de la CAF. Nadine? Oui? Mettre pas les dehors, hein? Ah non, pas du tout. Bon. Mais il n'a pas l'étendue. C'est pas parce que l'IA gagne un travail qu'au Matali dehors, quand même. Ah non, bon. Non, pas du tout. Après, il faudra bien qu'il soit indépendant après aussi. Oui, mais le plus tard possible, un poulie, hein. Ben alors, Fabrice Valliamet. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi, ce que je vous conseille, hein, déjà, il faudra mettre à jour votre dossier de prestation familiale à la CAF, vous-même, oui. D'accord. Pour informer la CAF que votre enfant a trouvé une activité. Et pour votre fils, moi je lui conseille de se rapprocher soit de la CAF, soit en allant au guichet, ou sinon privilégier l'espace CAF sur Internet. Et dans ce cas, à lui de faire valoir ses droits à la prime d'activité. Ce qui concernerait son fils, c'est la prime d'activité. Voilà. Pourrait être... voilà. D'accord. Donc il va faire un tour sur le site Internet de la CAF. Il choisit la rubrique prime d'activité et c'est très bien expliqué. Hein. On va lui dire s'il a un droit théorique ou pas à cette prime. Mm-hmm. Donc là, vous avez deux choses à faire. Mettre à jour votre dossier à la CAF, vous-même, par rapport et à votre fils. Et pour mettre à jour, c'est-à-dire justement, je voudrais savoir ce qu'il faut faire exactement. D'accord. Donc, ce que vous pouvez faire, donc soit vous allez directement à votre guichet, d'accord, au guichet le plus proche de chez vous. Ou sinon, vous passez par votre espace caf.fr avec vos identifiants. Et vous informez la CAF que votre enfant a une activité salariale depuis telle date. D'accord. Et pour votre fils, la même chose, il part sur le site de la CAF. C'est pas grave, même s'il n'y a pas de numéro d'allocataire à la CAF. Il y a bien une rubrique concernant la prime d'activité. Il suit les instructions du site Et c'est très facile. Hein. Il va créer son dossier. Il va créer son propre dossier. Non, il aura un numéro d'allocataire. Et on lui dira s'il a un droit ou pas à cette prime d'activité. Vous avez juste deux choses à faire. Pour vous et pour votre fils aussi. D'accord. C'est bon, Nadine. Vous avez les informations, c'est vrai? Oui, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Il va sur le site de la CAF et puis voilà, il monte son dossier, etc. Et puis vous verrez, c'est simple d'accès, très facile. D'accord. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, bonne Nadine. Bonne journée, madame. Merci. À bientôt. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Vos questions standards de la première avec les experts de la Caisse d'allocation familiale. Sandrine est avec nous. Bonjour Sandrine de Saint-Pierre. Bonjour. Vous allez bien Sandrine? Très bien. Donc ma question serait, est-ce qu'on peut cumuler la H avec un CDD? Est-ce que on pourrait cumuler? Est-ce que nos droits sont maintenus en fait? D'accord. Vous parlez de l'allocation adulte handicapé, c'est ça? C'est bien ça. Très bien. Fabrice Valliamé. Alors, bonjour madame. Bonjour. Donc, vous êtes bénéficiaire de l'AH, c'est ça, vous me dites? Oui, c'est ça, oui. Donc, vous avez un taux d'incapacité de combien? Il me semble 79. 79. D'accord, ok. Donc là, je n'ai pas votre dossier d'allocataire sous les yeux, hein, bien entendu. Hein. Donc oui. Là-dessus, ce que je vous conseille, je vous propose, on prendra vos coordonnées hors antenne. D'accord. Et comme ça, on vous rappellera pour vous dire ce qu'il en est réellement en tenant compte de votre dossier. Ah, ok. D'accord. Parce que vous percevez cette allocation et vous avez d'autres allocations familiales, c'est ça? Vous touchez d'autres allocations? Non, j'ai eu un CDD en fait. Ah oui, d'accord, vous avez eu un CDD. Voilà, donc elle voudrait savoir si cela est compatible. C'est ça, quasiment les deux. Voilà. En même temps, percevoir l'allocation. Et... Voilà. Donc là, ça dépend de... Ben, ça dépend déjà de son dossier à la CAF, oui. De ce qu'elle perçoit aussi, de combien. Et si vous travaillez dans le cadre de l'ESAT? Non. Non? D'accord, ok. Donc, pour vous confirmer tout cela, je préfère prendre vos coordonnées hors antenne et pouvoir vous donner une bonne réponse en tenant compte de votre dossier à la CAF. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci Sandrine. Merci. À bientôt sur Réunion Première, 02 62 99 2000. Les questions également par SMS au 06 92 70 2000. On revient un instant sur la médiation familiale avec Linda Cartaille, notamment. Donc, on a vu tout à l'heure que c'est une personne neutre, hein, le médiateur familial. Et si on peut rappeler, parce que les auditeurs sont très nombreux pour nous demander, mais quelles sont les démarches à faire? Pour pouvoir contacter un médiateur. Il faut aller vers qui? Il faut se rapprocher de qui? De la caisse d'allocation familiale? Donc, en fait, pour contacter un médiateur familial, soit vous prenez contact avec le service Action sociale de la CAF, oui. Vous pouvez interpeller les travailleurs sociaux de la CAF, ou encore le pôle appui Action sociale de la CAF auprès de Mme Nelly Boyer ou de Alexandra Sautron ou de moi-même. Ou encore, il faut prendre contact directement avec les associations de médiation. C'est le plus facile et le plus sûr. Donc, plusieurs associations interviennent. Il y en a 5 sur le département. On va les rappeler, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a l'UDA. On parlait tout à l'heure de la RAJUFA, hein, c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a la RAJUFA qui est dans le Nord, qui pourra conseiller et orienter, mais qui ne mènera pas de médiation à proprement dit. Par contre, l'UDAF, qui intervient sur le secteur de Saint-Louis et sur le Nord, intervient directement en tant que médiateur. C'est l'Union départementale des associations familiales, hein, voilà. C'est ça, l'UDAF, oui. Voilà. Vous avez également la MEFA, qui est l'Association de médiation familiale en action, qui intervient sur tout le sud. Donc Saint-Pierre, Tampon, Saint-Louis, Plaine des Caves, etc. Donc vous pouvez retrouver les coordonnées de ces associations sur les pages de la CAF. Vous avez également l'AMF2S, qui est l'Association de médiation familiale du Sud Sauvage, qui va intervenir à la plus sur Sainte-Rose, Saint-Joseph, Petite-Île. Et l'AMFOI, qui est l'Association de médiation familiale océan Indien, qui intervient sur tout le secteur est du département. 02 62 99 2000 pour toutes les questions et puis par SMS au 06 92 70 2000. Petite question arrivée par SMS. Alors je voudrais savoir si mon fils qui a un bébé qui porte en fait son nom et celui de la mère mais ne vit pas avec, donc je voudrais savoir s'il a le droit au RSA, s'il peut toucher le RSA. Fabrice Valliamé pour répondre à cette personne. Si je comprends bien, monsieur a un fils dont il a reconnu, Hein. Ouais. D'accord. Le fils ne vit pas avec lui, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, et donc la question c'est, est-ce qu'il a le droit d'avoir, est-ce qu'il peut toucher le RSA, sachant qu'il n'a que 23 ans? Non, il ne peut pas toucher le RSA s'il n'a que 23 ans. Par rapport à l'âge, c'est ça? Ouais. Ouais. On peut rappeler les conditions, s'il vous plaît? De manière générale, il faut pour le RSA, oui. Le RSA, il faut avoir 25 ans déjà. À partir de 25. 25, oui. Tout à fait, oui. Ouais. Déjà, c'est à partir de 25 ans. Ça démarre à partir de 25 ans. Donc, s'il a, donc là, vu son âge, vu sa situation même avec le bébé, comme il n'a que 23 ans, il n'a pas droit. Oui, voilà, il n'a pas droit au RSA. Si l'enfant n'est pas à sa charge. L'enfant est à la charge de la mère. Même s'il a reconnu cet enfant ne vit pas de façon effective et permanente avec lui. Linda Cartaille, Fabrice Valiamé répondent à toutes les questions au standard de la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Zapping Radio. La paix. Écoutez, OSS, COS, S. J'agis. Comment? Zagis. J'entends pas. J'agis. Oh là là. Épidémiologiste. Tout à fait. Le Zapping Radio de Jackie Revel, du lundi au vendredi à 7h45 et 13h20 sur Réunion Première. Voilà. Comment? Pardon? Comment? Oh là là. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Soutiens-nous la vie, hey. Nous la vie tous les jours, nous la... compliqué. Ouais, nous la vie tous les jours, nous la vie t'es venue. Non, pas t'y compliqué. Nous la vie tous les jours, nous la vie t'es venue. Non, pas t'y compliqué. Ouais, nous la vie tous les jours, nous la vie t'es venue. Non, pas t'y compliqué. Désiré François sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Linda Cartail et Fabrice Valliamé, les experts de la Caisse d'allocation familiale. Nous avons au téléphone un médiateur familial. C'est Eric qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Vous êtes dans quel secteur Eric? Alors, Madame Cartail, mes amitiés à Madame Cartail pour commencer, qui a présenté notre association dans le Sud Sauvage. Dans le Sud Sauvage, oui. Oui, et juste une petite précision pour Eric, rebondir sur cette Eric, oui. Vous saluez Linda Cartail et non pas Fabrice Valliamé. je le salue également, pardon, mais je bonjour. Pense à Madame Cartail, bonjour, excusez-moi. Mais c'est pour rebondir sur la présentation que faisait Madame Cartail de la médiation familiale. Et moi, je suis dans le Sud Sauvage. Et c'était juste pour préciser que le cadre d'intervention s'est très largement agrandi au couple. Donc ça, elle l'a dit. Pour aussi des conflits qui sont générés suite au décès d'un des parents et lors des héritages. Lorsqu'il y a un bien foncier, un terrain, une maison, exactement, voilà, c'est exactement, ça. Exactement, et de plus en plus, moi j'ai régulièrement le cas des conflits de voisinage également. Aussi sur les conflits de voisinage? Absolument, j'ai une médiation, je suis au quatrième entretien d'une médiation où ils se disputent la construction d'un mur mitoyen, avec donc évidemment chacun expose ses arguments et on travaille ensemble pour qu'ils puissent trouver une solution. En clair, ça ne s'arrête pas seulement sur des problèmes familiaux. Alors les séparations, les divorces, la c'est rupture de communication, mais aussi sur les problèmes de voisinage. Je pense qu'en fait, il y a une généralisation du conflit dans l'époque qu'on vit malheureusement et bien souvent. Moi, de plus en plus, alors peut-être que c'est très spécifique au Sud, parce qu'on est dans un milieu très rural, mais il y a beaucoup de médiations qui sont... On est beaucoup sollicités pour des conflits de voisinage et également suite à un héritage où la famille travaille des animosités, des jalousies, enfin ce genre d'émotions. Alors, j'ai la réaction d'un auditeur par SMS qui dit, je vous fais part également, Eric, vous êtes médiateur familial, Linda Cartail et Fabrice Valliamé, vous êtes de la Caisse d'allocation familiale. L'auditeur qui dit, comme l'auditeur précédent qui fait rappel à moi un petit peu ma situation, n'a 2 ans que de cela, et frustré, j'étais, comme lui, exactement comme l'auditeur donc qui avait parlé un petit peu de sa frustration. C'est vrai que la CAF, trop vite. Ça, c'est le sentiment qu'il a. Et ça ne parle que d'argent. Vous comprenez son message, Linda Cartail? C'est vrai qu'un des points d'entrée, en fait, à la CAF par rapport, dans le cadre d'une séparation, va être la pension alimentaire. Et la pension alimentaire est liée à une prestation familiale qui est l'allocation de soutien familial. Donc, Fabrice Valliamé va mieux vous répondre en vous expliquant ce que c'est que cette ASF, l'allocation de soutien familial. L'allocation de soutien familial, voilà. On et en a comment parlé, procède et comment, fois, oui. Comment le technicien de la CAF va intervenir auprès des deux parents, en fait, pour que cette pension alimentaire soit repayée ou payée, ou alors que la CAF puisse reprendre la main et essayer de soit recouvrer les pensions qui ne sont pas réglées, et remettre en place en fait cette pension alimentaire. Fabrice Valliamé. Alors, il est vrai qu'on avait parlé la semaine dernière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que suite à une décision de justice ou à un accord amiable homologué concernant une pension alimentaire, si le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire, la CAF intervient. La CAF intervient comment? Tout simplement en avançant cette pension alimentaire à la place du parent débiteur. Et cette avance, bien sûr, devra être remboursée par le parent débiteur, OK. Et on invite le parent débiteur par le biais d'une procédure amiable à venir nous rencontrer pour voir ce qu'il en est, le pourquoi du comment, pourquoi la pension n'est pas payée. Parce que la CAF n'a peut-être pas tous les éléments aussi. Et par rapport à cette phase amiable, si on n'a pas de contact avec le parent débiteur, c'est sûr que cette phase amiable va s'arrêter. On va passer automatiquement à une procédure de recouvrement forcé. Et c'est là où, quand on arrive à ce stade, il est difficile pour nous de revenir sur ce qui a été fait. Oui, donc automatiquement, là, je pense que les parents débiteurs se sentent persécutés. Oui, Eric, médiateur familial, oui, vous avez entendu le message de l'auditeur aussi. Oui. C'est l'impression qu'il a, hein, que ça parle d'argent et c'est ce qui est un peu gênant. Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Alors effectivement, c'est comme ça l'est précisé, on va en parler. Mais avant tout, je pense que c'est essentiellement la médiation, essayer de renouer le dialogue entre les personnes. Et après, une fois que le dialogue est renoué entre elles, si vous voulez, toutes les solutions sont envisageables. Alors, il y a l'argent, évidemment, qui est discuté, mais il y a surtout l'organisation autour des enfants, en cas de séparation, des biens, du logement, de la pension alimentaire, enfin, etc., etc. Mais si vous voulez, on parle essentiellement d'émotions, on aborde essentiellement les émotions d'abord. Et moi, l'argent, ça vient souvent après. Je pense qu'en fait, les gens ont vraiment le besoin d'être entendus et écoutés. Et si vous voulez, comme il y avait un problème de communication dans le couple, eh ben, ils ont surtout besoin de se dire les choses. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Mais j'imagine que ce n'est pas simple, Eric. Non, ça ne l'est pas. Du tout. Pour mettre tout le monde... On fait tout pour, en tous les cas. Pour mettre tout le monde... Pour mettre tout le monde d'accord, ce n'est pas facile. Non. C'est un métier difficile, mais nous sommes que des facilitateurs. Voilà. Merci à vous, Eric. Merci d'avoir donné votre réaction, parce que je rappelle que nous sommes en train de parler de la médiation familiale avec les experts de la CAF et que vous êtes un médiateur familial. Merci d'avoir été avec nous. Les questions, les réactions au standard 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Toutes les questions, toutes vos questions concernant les allocations familiales, c'est au standard de la première. Let me see you move. felt so good. Petite question arrivée au 06 92 70 2000. Lors de ma déclaration trimestrielle, je me suis trompé sur le dernier montant perçu. Comment faire pour rectifier mon erreur? Fabrice Valliamé, expert de la caisse d'allocation familiale, pour répondre à notre auditeur. Alors c'est tout simple, hein, les erreurs arrivent à tout le monde. Il suffit que madame fasse une déclaration trimestrielle rectificative, en précisant qu'elle s'est trompée dans le montant à déclarer concernant le trimestre. Et sa nouvelle déclaration sera prise en compte. Donc et son bas sera revu automatiquement. Tout ça, c'est possible en allant sur le. Elle peut aller sur le site CAF.fr. Sur le site, voilà, ouais. De faire la rectification. C'est beaucoup plus rapide. Hein. Les experts de la caisse d'allocation familiale reviennent juste après l'info sur Réunion Première. Vous prenez la parole au 02 62 99 2000. Mathias qui vous accueille au standard. Il est 11h. L'info, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un homme a été placé en garde à vue hier soir dans le cadre de l'enquête sur le viol d'une étudiante sur le campus du Moufia lundi. Hier à Saint-Denis, plusieurs centaines d'étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer le manque de sécurité sur le site de l'université et dans les résidences étudiantes. Une délégation a été reçue par le directeur du CROUS et le président de l'université sans que ces échanges n'aient donné lieu à des annonces concrètes. Cet après-midi, le président de l'université rencontrera les étudiants sur le campus afin d'échanger avec eux au sujet du sentiment d'insécurité qui semble grandir dans leur rang. Un rassemblement des étudiants est également prévu à cette occasion. Et nous sommes allés prendre la température au Moufia ce matin. Reportage dans le journal de midi. Après bientôt 10 ans d'existence, le parc national sera évalué. Le conseil régional a voté hier la réalisation d'une étude visant à dresser un bilan des atouts et des points de blocage du parc national de la Réunion. Cette étude, qui va coûter 50 000 euros à la collectivité, est dénoncée par plusieurs élus de l'opposition. Ils estiment qu'elle n'a qu'un objectif, justifier un éventuel déclassement du parc national en parc régional. Bientôt 10 bougies sur le gâteau d'anniversaire du parc, donc, et 20 sur celui des cars jaunes. Le réseau de transport se modernise avec une application, du Wi-Fi et des prises USB à disposition des passagers dans les véhicules. En 20 ans, les cars jaunes ont bien changé et les premiers témoins de ces évolutions, ce sont vous, les utilisateurs. Hormis quelques problèmes de retard, les Réunionnais semblent satisfaits de leur fameux car zone. Nous l'entendrons dans notre prochaine édition. Ce sera son premier déplacement officiel hors hexagone depuis sa nomination à la tête du ministère des Outre-mer. Jeudi, Erika Barèche foulera le sol de Mayotte et la ministre est attendue de pied ferme par les Mahorais. Les syndicats de la fonction publique appellent notamment à une mobilisation massive dès ce mercredi et ce pour 3 jours. L'objectif est de sensibiliser la ministre aux difficultés qu'ils rencontrent, mais ils aspirent aussi à ce que le code du travail soit pleinement appliqué et que les carrières des agents soient reconstituées pour leur permettre d'obtenir de meilleures retraites. On en reparle à midi. L'actualité dans l'océan Indien, c'est aussi la démission surprise du président seychellois. James Michel vient de l'annoncer. Le vice-président Danny Ford prendra officiellement sa place le 16 octobre pour une période de 4 ans avant les prochaines élections générales. Cela faisait 12 ans que James Michel était au pouvoir aux Seychelles. Il a déclaré qu'il était temps pour son pays d'avoir un nouveau leader. C'est dans l'actu juste après le journal de midi à 12h15 sur Réunion Première Radio. Sera consacré aujourd'hui au cancer du sein. Gardez sa féminité malgré tout à la veille du coup d'envoi d'Octobre Rose. Gros plan sur les soins qui préservent l'estime de soi, notamment une technique de chirurgie mammaire nouvelle à La Réunion et qui évite le recours aux prothèses. Les invités de Philippe Dornier seront le docteur Jonathan Frey, qui est chirurgien, Guillaume Kishenama, le socio-esthéticien, et Corinne Sanassi, patiente en cours de traitement. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, également sur les réseaux sociaux. Il est 11h03, on fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le monde est en deuil, il était une conscience pour l'humanité. Réaction de Manuel Valls après la mort de Shimon Peres, l'ancien Premier ministre et président israélien. Avec 93 ans, Shimon Peres, prix Nobel de la paix en 94 avec Yasser Arafat, était le dernier représentant de la génération des pères fondateurs de l'État hébreu. Hommage également de François Hollande, de Barack Obama. Le président américain salue la mémoire d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en la paix. Une information, France Bleu, l'ancienne comptable du lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc, en Bretagne, condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour abus de confiance. Elle avait détourné 2000 chèques de cantine, un préjudice à plus de 400 000 euros. La Martinique, la Guadeloupe, placée en vigilance orange par Météo France, un risque de tempête tropicale avec des rafales de vent jusqu'à 150 km/h et des creux de 7 mètres en pleine mer. En Martinique, les écoles et les crèches sont fermées toute la journée. Une deuxième nuit en garde à vue pour Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur, entendu dans le cadre d'une information judiciaire, notamment pour trafic d'influence. Garde à vue levée, en revanche, pour l'ex numéro 1 de la PJ parisienne, Christian Flèche, sera prochainement entendu par un juge d'instruction. L'un des plus beaux buts de sa vie, et c'est lui qui le dit, le défenseur polonais de Monaco, Kamil Glik, permet au club de la Principauté d'arracher le match nul dans les dernières secondes, un partout, face au Bayer Leverkusen. Moins de réussite pour Lyon dans cette Ligue des champions de football, battue à Séville 1-0. La météo de ce mercredi. Avec des températures qui frôlent les 26 degrés sur le littoral est, 28 sur la côte ouest, au volcan et aux alentours, le mercure atteint 18, entre 18 et 20 degrés. Alors s'il y avait du soleil ce matin, il y aura des nuages pour l'après-midi et particulièrement sur la moitié nord-est, de la pluie dans la région du volcan et vers Takamaka. Et puis là où le soleil sera toujours aussi généreux, c'est dans le sud et dans l'ouest. Les experts de la caisse d'allocation familiale sont avec nous. Vous réagissez au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Nous sommes en compagnie de Linda Cartail et de Fabrice Valiamé. On parle de la médiation familiale, mais on peut aussi revenir sur les allocations familiales de manière générale. Donc jusqu'à 11h30, vous avez la parole sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. How I could Des experts aussi qui craquent pour la musique de Réunion Première, les Genesis à l'instant. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. C'est pas plus mal de détendre un peu l'atmosphère. Linda Gartail et Fabrice Valliamé qui sont avec nous pour répondre à toutes les questions. Marie-Thérèse de l'Étang Salé, avant d'avoir Abbas de Sainte-Suzanne pour parler de la pension alimentaire. Mais Marie-Thérèse, vous, c'est pour cela concerne votre maison, c'est ça? Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Montagny. Que ça arrive à vous, Marie-Thérèse? Voilà, les courants de nos jours. Nous doivent vendre ma maison. Oui. De ma maison, il y a moi. Mon mari est décédé bien il y a 2 ans. Oui. Donc, il y a 2 héritiers, c'est mes 2 enfants. Oui. Et moi, j'ai une part, bien entendu. Oui. J'ai une part à peu près dans les 90 000 euros. Oui, oui. Moi, je vous demande, si par hasard, bien entendu, on vendu ma maison, faut pas que je pars d'un logement. Oui. Est-ce que après ce patrimoine, j'aurai un aide de logement? Est-ce que le patrimoine qui compte ou bien c'est comme ça? Est-ce que vous auriez droit donc à une aide au logement, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, avant un patrimoine. Oui, oui, oui. Vous avez déjà été voir le notaire et tout? C'est pas la peine que je parle chez le notaire. Mes coordonnées sont bien à jour presque parce que, pour tout vous dire, mes 2 enfants, les 2 travaillent chez un notaire, mais deux notaires différents. Ah, bon, d'accord. Alors, je prends mes coordonnées, mes renseignements et tout le bazar, avec mes enfants. Vos enfants sont bien au courant? Non, je dis ça parce que vendredi matin dans l'émission, nous recevrons un notaire pour répondre à des questions. Mais très bien, si vos enfants travaillent dans le milieu, donc c'est pas plus mal aussi. Mais alors, concernant Linda Gartail, pour l'aide au logement. En fait, là, ce que madame veut savoir, c'est si elle vend son logement. Oui, et qu'après, elle part dans un autre logement, en location. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir droit à une aide au logement? Voilà. C'est bien ça? Oui. Voilà. Donc, et là, vous voulez savoir si, pour calculer votre aide au logement, on va tenir compte du montant, de la somme que vous allez récupérer en vendant votre maison. Ah bon? C'est ça? Moi, je demande si par hasard... je mets en compte mon patrimoine. Oui. Et si je demande un logement et je paie bien entendu avec ma retraite, sans à faire les sous que je vends ma maison, que je mets de côté, est-ce que c'est base là-dessus? Parce que chez la petite bête un peu partout du moment qu'on vend un logement. Je cherche pas la petite bête, il regarde si on a une petite monnaie de côté. Donc effectivement, si on arrive à vendre notre maison et qu'on a une petite monnaie sur côté, donc on va tenir compte de cet argent-là pour voir si on a droit ou pas à la location logement. Donc vous vendez votre maison et que vous avez, comme vous dites, à peu près 90 000 euros, donc je ne pense pas que là, le droit à la location logement va être ouvert. En fait, il faut savoir, non, il ne prendra pas. Parce qu'il faut bien comprendre que les prestations de la CAF, la location logement, la location soutien familial, tout ça, c'est des aides pour accompagner les gens quand ces personnes sont en difficulté et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. Donc, là, comme vous avez déjà une petite monnaie, il faudra utiliser cette petite monnaie-là. Oui, mais cette petite monnaie-là, elle ne doit pas prendre en compte le logement parce que, vu ma retraite, elle n'est pas énorme. Mais oui, mais c'est avec que la retraite, madame. On aurait tenu compte de la retraite et calculé votre AL en fonction de votre retraite. Mais là, il y a la retraite plus un petit monnaie sur côté. Mais oui, mais comme il dit, c'est l'argent, c'est la solidarité nationale, c'est que tout le monde contribue à cet accompagnement-là. Voilà. Et on ne peut pas comme ça. C'est un patrimoine que mon mari a quitté pour moi. On n'a pas droit à une petite aide de logement pour la CAP, donc il faut que je paye dessus ma petite retraite. Bien entendu, la petite monnaie sur côté, il prend vite. Mmh, ben oui, on a encore l'augment pour payer Oui. Marie-Thérèse. Bien entendu, ma retraite n'aura pas fait pour m'appayer le logement et vivre avec. Marie-Thérèse. Alors, il faudra tirer ce reste de monnaie sur le côté, comme il dit. Ouais. Donc, moi, je foutu mal. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui. Voilà. On a les réponses. Merci beaucoup d'avoir appelé, surtout. Ah bon, pas plus que ça. Bah, il vient de donner à la réponse, Marie-Thérèse. Comme quoi, on n'aurait pas droit à l'aide au logement. On peut pas aller plus loin que ça. Vous comprenez? Voilà. On a un joli accent. Où ça, ils sortent? Quoi? Où de l'accent, là? Ah ben, ça, ils viennent de, comment dire, l'endroit où j'habite. Les temps salés même, ça? Non. Ah, mais ils disaient bien, ils sortent pas les temps salés, cet accent-là. Merci Marie-Thérèse. Moi, bonjour monsieur, mais n'oublie pas les temps salés, moi. Merci, merci Marie-Thérèse, à bientôt sur Radio Première. Merci. Lecce sur Réunion Première. Le tuning, c'est l'art de personnaliser sa voiture. Le deuxième sport local après le moucatage et le ladilafé. Les embrocales quotidiens. C'est pas un petit coq, ça va prendre la vie à un vieux coq bataille. Le billet d'humeur du Lecce du lundi au vendredi à 6h40 et à 16h50 sur Réunion Première. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Linda Cartail et Fabrice Valliamé qui répondent à vos questions jusqu'à 11h30 sur Réunion Première, à Basse de Sainte-Suzanne. Bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question à vous poser. Ma question est simple. Moi je gagnerai ça, mais je suis séparé avec madame depuis le 10 août 2015. À part que j'ai gagné ça avant, j'ai percevé les acidiques, mais les acidiques sont terminés. Oui. Pour l'emploi, m'a envoyé direct à la CAF, j'ai gagné au RSA. Et du coup, j'ai payé passif alimentaire. La passif alimentaire, avec un accord des jurés, des tribunaux, tout, des affaires familiales, je paye passif alimentaire. Le passif alimentaire que je paye, pour le moment, je ne travaille pas. Mais madame, elle continue à marceler de payer ça. Moi, ma question, je veux savoir, est-ce que quand je gagne le RSA, est-ce qu'il y a le droit de payer du passif alimentaire? Alors, on est sur la pension alimentaire. Donc, vous êtes séparés, hein, c'est ça, hein? Oh oui. Séparés, divorcés Le divorce est en cours au tribunal. Le divorce est en cours. Est-ce que c'était une nécessité pour vous d'avoir un médiateur familial ou pas, alors, non, du coup? Si, on avait appelé Girafa, oui, c'est ça. On a eu un accord amiable. La Rajufa. Oui. Voilà. Donc, il y a eu un accord amiable. Oui. Je vais le passer à l'inventaire. Et du coup, madame, il me dit... Et elle veut pas savoir, parce que ça dépend de la CAF, si je paye pas ça, et c'est elle qui va payer ses prestations. Alors là, elle veut pas savoir si je travaille, si je travaille pas, il faut que je paye ça. Et du coup, avec 400 euros que j'ai vu, c'est un cauchemar. Moi, je suis obligé de le payer parce que je veux pas des histoires. Que la CAF a coupé ses prestations, je veux pas des histoires qu'il y a eu une bataille, je veux pas ça. En plus de ça, la preuve qu'elle a, qu'elle sait que je travaille pas tous les matins, elle sait que je viens devant son barreau, je trappe le moment, je le dépose à l'école. La première fois, je le trappe à l'école, je le dépose chez elle. Ouais. Alors, il reste, restez avec nous, on est en train de voir votre situation. Il reste 10 minutes pour contacter Mathias au standard de Réunion Première. Les experts de la Caisse d'allocation familiale sont avec nous. Profitez de leur présence pour réagir aussi sur toutes les allocations en général, hein, donc les allocations familiales. 02 62 99 2000. Fabrice Valliamé et Linda Cartail, les experts de la CAF. Donc, vous avez entendu le témoignage d'Abbas. Donc, qui parlait de sa pension alimentaire. Oui, bonjour monsieur. Donc bonjour. Si je comprends bien, à l'heure actuelle, vous êtes bénéficiaire du RSA, c'est ça? Ah oui. D'accord. Donc il faut savoir qu'en matière d'allocation de soutien familial, et les personnes qui ont été condamnées à payer une pension alimentaire, il existe une liste qu'on appelle la liste des hors d'état. Alors, la liste des hors d'état, ce sont des personnes qui ne peuvent pas. Oui. Ce sont des personnes qui ne peuvent subvenir au paiement d'une pension alimentaire, du fait des faibles revenus que cette personne perçoit. Donc vous, en l'occurrence, vous êtes bénéficiaire du RSA, donc vous êtes dispensé de payer cette pension alimentaire tant que vous serez dans le cadre du RSA. Le jour où vous redeviendrez meilleure fortune, automatiquement, il faudra reprendre le paiement de cette pension alimentaire. Mais là, pour l'instant, comme vous êtes bénéficiaire du RSA, vous n'avez pas à payer cette pension alimentaire. Mais si vous voulez le faire de votre propre chef, ça ne dérange pas, hein. Mais au niveau de la loi, vous êtes dispensé de payer cette pension alimentaire du fait que vous êtes bénéficiaire du RSA. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais elle, moi, c'est que moi, j'aime pas les bagarres, j'aime pas les harcèlements. Comme elle m'harcèle tout le temps, chaque fois qu'elle me voit, elle tombe sur moi et puis bah, moi, je suis terrorisé, je suis obligé de le payer, d'éviter une question catastrophique. Et, ah. Et après, monsieur, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire à madame de passer au guichet de la CAF. Oui. Et la CAF lui confirmera effectivement que vous êtes hors d'état et que vous êtes dispensé de payer cette pension alimentaire. Voilà, donc ça s'appelle hors d'état. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut surtout. Ah, non, non, mais et ça. Du coup, une autre question. Oui, attendez, Abbas, attendez. Linda Curtail pour rajouter. Oui, en fait, je voulais aussi préciser que dans ce cas-là, comme vous ne pouvez plus payer de pension alimentaire, il faut que madame fasse une demande d'allocation soutien familial auprès de la CAF. Voilà. En fin de compte, elle voulait pas le faire, elle. C'est qu'elle veut, elle s'est mise terrorisée. En fait, comme elle fait comme une punition. Parce que je lui ai expliqué, parce que je l'avais entendu des bouches à l'oreille des gens, et je peux pas payer le passage alimentaire. Mais elle, je lui ai expliqué, elle m'a dit de lui donner la preuve que la CAF m'envoie. Vous avez la preuve. Donc il faudrait qu'elle se rapproche de la caisse d'allocation familiale. Oui, Linda Portail. Oui, en fait, moi, je vous conseillerais de prendre contact avec la MFOI. Donc, vous allez trouver les coordonnées sur les sites de la CAF. C'est l'Association de médiation familiale aux soins indiens qui va bien vous expliquer les démarches et qui prendra contact aussi avec madame pour que vous trouviez un accord et qu'elle entende que ce n'est pas de faute si vous ne pouvez pas, mais c'est bien parce que vous êtes en situation de hors d'état. Alors, et que dans ce cas-là, la CAF va compenser ce manque d'argent qui ne va pas rentrer par l'allocation de soutien familial. Vous avez de quoi noter, Abbas ? Non, si vous n'avez pas, on vous rappellera pour vous donner le numéro de téléphone de, donc, vous disiez, de la médiation. De la MFOI. Voilà. J'ai déjà dit. Ah, vous avez déjà. Ah ben, il faut prendre contact. Bah, très bien. Alors, ça, c'était. Alors, vous avez une autre question. Oui, une autre question, oui. Quand on était ensemble, on avait fait une demande de logement social. Oui. Entre nous, conjoints, nous deux. Et quand on est séparés, et du coup, la fédéré lui a appelé qu'il y a un logement. Pour qu'il prenne le logement. Et du coup, pour le logement, lui, elle m'appelle parce que la CDR lui a dit qu'il faut que je signe. Elle m'appelle pour aller signer le logement. Moi, j'ai refusé. Je lui ai dit si je signe ça, alors, il y aura un problème avec la CAF après. Ça va retomber, tu vas retomber encore sur moi. J'ai refusé de signer ça. Et du coup, là, elle me menace. Elle me dit ouais, je vais poursuivre au tribunal, tout ça là. Ben, je sais pas. Est-ce que le fait que je n'ai pas signé ce document, est-ce que j'avais le droit ou pas? Si vous êtes séparé, monsieur, donc les démarches administratives de madame ne concernent que madame. Et les démarches administratives qui vous intéressent ne concernent que vous. Donc vous n'avez pas à prendre en charge les démarches de madame. Voilà, Abbas. Non, elle d'accord. Parce que la CDR lui a dit que juste. Non, voilà, mais là vous avez les bonnes réponses. Soyez rassurés, mon garçon. Voilà, merci Abbas. Ouais. D'accord, merci. À bientôt sur Réunion Première. 02 62 99 2000, 5 minutes pour contacter Mathias. Les experts de la caisse d'allocation familiale sont avec nous. Et puis, vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. Mon vie tout non, j'ai bilance. Depuis, moi la paix de ton présent. La poirie est un à moi, depuis que chacun y trace son chemin, il fait mal à moi. Mon larme y coule dessus moi, comme il repense, que nous vivons que la distance. Quand on t'écoute moi, mais t'es moque pas rien, tout est suffit à moi. C'est en haut de ces moi, t'es trois. Dans mauvais temps. Vous l'avez dit à moi qu'il sera là tout le temps. Maman la prouve à vous que m'y aime à vous vraiment. Et dans n'importe quel moment, moi m'il était là pour vous. Moi la affronte la douleur, même si moi la quitte la terre de mon pays. Ma traverse la mer. Papier d'Aou, où l'été mon tout. Malgré ce qui nous les séparer, vous connaissez que mille est blessé. Et que la blessure, mon cœur est devenu dur, comme de l'eau, il devient glaçon. T'es fallu à moi qui a solide, continuer ma ou, mais mille était prêt à tout. C'est dans aussi moi tu crois que un jour nous deux serons ensemble. Dans mon cœur moi la fait un douleur tous les soirs m'y déplaire. C'est où mon seul raison que moi miné n'a pour vie. Dans ton pète dans mon vêtement vous l'avez dit à moi que tu seras là tout le temps. Moi moi la prouve à vous que m'y aime à vous. Et dans n'importe quel moment, moi m'il était là pour moi la affronte la douleur, même si moi la quitte la terre de mon pays. Ma traverse la mer. Pour retrouver à vous. Ma traverse la mer. La médiation familiale, on en parle sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. La réaction de notre auditeur qui pense que le dialogue a complètement changé, enfin selon lui, le dialogue a complètement changé lorsque la mère a su que la pension sera versée exclusivement sur le compte bloqué de l'enfant. Linda Carteil. Donc il faudrait peut-être rappeler qu'on ne parle plus aujourd'hui de pension alimentaire, mais de bien de contribution à l'entretien. Bien de contribution à l'entretien. Contribution ouais. à l'entretien, ce qui veut dire que cet argent est utilisé pour les besoins quotidiens de l'enfant. Donc l'alimentation, la nourriture, les soins, les activités au quotidien. Donc après, là il s'agit d'un cas particulier, donc il est difficile de se prononcer sur les raisons qui font que, mais de manière générale, cette contribution est versée au parent qui a la garde de l'enfant et qui est en charge de cet enfant. Le fait de mettre de l'argent sur un compte bloqué, cet enfant, il doit aussi vivre, hein, c'est ça. Ben non, il faut l'argent bloqué sur un compte, c'est pour l'avenir, pour les besoins au quotidien. Ouais. Donc, mais ça peut aussi se faire suite à un accord entre les deux parents. Voilà. Donc là, s'il n'y a pas accord, c'est là que le médiateur. Là, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est fait en ce sens et qu'est-ce qui amène monsieur à verser cet argent sur le compte bloqué de l'enfant plutôt que de le verser à la maman pour la vie de tous les jours. Quoi. Autre réaction, bonjour tout le monde. Mon ex ne donne pas de pension et les huissiers ne trouvent pas son adresse. Quelle solution ? Comment faire ? Là, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, Est-ce que c'est au médiateur familial de... Non. Le médiateur familial ne va absolument pas travailler là-dessus. Mais par contre, dans le cadre du recouvrement... C'est possible. La CAF va essayer de retrouver ce parent débiteur. Fabrice Valliamet. Alors, sur demande du juge, je précise bien sur demande du juge, à la CAF, la CAF pourrait transmettre des informations au juge concernant les coordonnées de monsieur, si monsieur est solvable, tout ce qui pourrait permettre au juge de commencer à travailler sur un paiement ou pas d'une pension alimentaire. D'accord, donc lorsque la personne dit que les huissiers ne trouvent pas son adresse, Il y aurait possibilité, c'est ça? Il y a possibilité, oui. Il fait une demande au juge, qui fera une demande à la CAF ensuite. S'il est connu de la caisse d'allocation familiale. Oui. Si ce débiteur n'est pas connu, ça va être très compliqué. Allez, on va peut-être terminer sur rappeler quelques données, notamment sur la médiation familiale. Rappeler ce que c'est et à qui ça s'adresse, Linda Cartrell. Qu'est-ce que la médiation familiale? Donc, la médiation familiale, c'est un temps d'échange, un temps d'écoute entre différentes parties avec une personne neutre, je précise. Hein, cette personne doit rester impartiale. C'est le médiateur familial. C'est le médiateur, voilà. Il peut intervenir dans différentes situations de conflit, de manière générale, en cas de séparation, de divorce, de mésentente entre parents, grands-parents et petits-enfants, et puis dans le cas de succession. On l'a entendu tout à l'heure avec Eric, qui lui est médiateur familial dans le Sud Sauvage. Notamment, il intervient aussi sur les problèmes de voisinage. Conflit de voisinage. Ouais. Lorsqu'il y a un conflit, c'est d'essayer de trouver une solution à l'amiable pour solutionner ces difficultés. Quoi. Combien ça coûte? La médiation familiale varie entre 2 et 60 euros. C'est suivant entre les revenus. 2 et 60 euros. 2 euros et 60 euros. Ça dépend des revenus des participants. Ouais. Très bien, Linda Cartrell, Fabrice Valliamé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler de la médiation familiale et aussi d'être là pour répondre aux questions des auditeurs sur les allocations familiales de manière générale. À très bientôt sur Réunion Première. À très bientôt, bonne journée. Au revoir. Quand tu marches côté de moi, moi serais content, tiens, bouton, même, et tu mal parles à moi. Tiens-moi, tu maries, notre dernier rendez-vous. À cause de la panique, tout te va rendre à moi fou. Pour autant, ton moment, t'es d'accord, tu maries, pour arranger le petit mariage. Et puis, tu connais, moi, Nena, tu maries, pour commencer pour ménage. Oh non, Marie, fais pas moins ça, fais pas moins ça. Oh non, Marie, te va mettre à moi dans le tracas. Oh non, Marie, fais pas moins ça, fais pas moins ça. Oh non, Marie, te va mettre à moi dans le tracas. À côté ton casse, hier soir, moi, l'a passé. Quand te la vie à moi arrivé, ton porte te l'a fermé. Dis à moi tout de suite, dis si tu aimes, puis moi. M'appeler aujourd'hui, m'appeler demain, mon cœur est trop sacré. Pourtant mon petit casse, depuis ça tu maries, nana fauteuil rembourré. Dans la chambre à coucher, nana l'armoire à glace, avec un grand lit de place. Oh non, Marie, fais pas moins ça, fais pas moins ça. Oh non, Marie, te va mettre à moi dans ta cas. Oh non, Marie, fais pas moins ça, fais pas moins ça. Midi, les experts avec Claude Montani. Help, help, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Friends with me, you knew that I was free.

11h49 sur Réunion Première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Amouni Sami Jean-Baptiste Di Iris. Monsieur Amouni Sami Jean-Baptiste Di Iris, décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira de son domicile au 36 rue du Lavoir à Cambuston à Saint-André demain jeudi 29 septembre à 15h. Une cérémonie tamoul aura lieu au domicile à partir de 13h suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Décès de Madame Ricbourg Josiane Nekadé. Madame Ricbourg, Josiane Nekadet, décès survenu en métropole le 15 septembre. On attend plus d'informations sur la date et l'heure des obsèques qui vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Chaman Léon Émilien. Monsieur Chaman Léon Émilien, décès survenu à l'âge de 87 ans. Le convoi sortira du 6 bis chemin Piton-Wecky à la rivière Saint-Louis. La bénédiction aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Rivière, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Séry Philippe, époux de Madame Séry Marie-Nadine, décès survenu à l'âge de 47 ans. Le convoi sortira du 142 chemin Corbeil d'Or au Tampon, aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Pont d'Yves à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bras-de-Ponto. Décès de Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph dit Capitaine Mahé. Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph dit Capitaine Mahé. Décès survenu à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de chez sa fille, Madame Nouri Martine, au 17 rue Benoît Boulard, Bourbier, Beaulieu à Saint-Benoît. C'est aujourd'hui, mercredi 28 septembre à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h. L'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Payette Marie Suzel, veuve Waraud. Décès de Madame Payette Marie Suzel, veuve Waraud. Décès survenu à l'âge de 81 ans. Domicilié au 92 chemin des Assises, à la Ravine des Cabris. Le convoi sortira du centre funéraire sud. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Et le décès de Madame Lebon Marthe Ruffin. Madame Lebon Marthe Ruffin, décès survenu à l'âge de 84 ans. La veillée a lieu au domicile au 223 rue Edmond Albius à Saint-Joseph. Le convoi sortira du domicile demain jeudi 29. Et puis pour l'inhumation, donc il faudra évidemment rester à l'écoute de Réunion Première. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Veolia Eau qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre qu'en raison des travaux sur le réseau, des perturbations, voire des coupures pourraient se faire sentir à partir de 14h. Aujourd'hui, on est bien d'accord, donc mercredi 28, à partir de 14h. Pour les secteurs suivants, sur Saint-Pierre, Condé 400, et la remise en eau est prévue à partir de 21h ce soir, sauf incident. Le TCO qui mène actuellement une enquête publique sur la révision du schéma de cohérence territoriale et qui vous invite à une réunion publique aujourd'hui, c'est en salle du conseil municipal de Saint-Paul, c'est de 17h30 à 19h30. Veolia qui informe ses clients de la commune de Saint-Denis que l'eau du robinet peut à nouveau être consommé sans restriction d'usage sur les secteurs alimentés par le réservoir du Butor. Et puis, concernant notamment les clients de la commune de Brapanon, toujours pour Veolia, qu'en raison des travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 8h30. C'est pour demain, jeudi 29 septembre, pour les secteurs suivants, à Brapanon, au chemin des Abeilles, chemin des Papangues et les voies adjacentes. Et puis l'établissement français du sang qui vous annonce les collectes prévues pour demain, jeudi 29 septembre. C'est à Jumbo Savannah Saint-Paul. C'est de 12h30 à 17h. Et puis du côté de la mairie de Saint-Joseph, c'est de 8h30 à 12h30. what you did more perfectly than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would. À l'instant, signé Stevie Wonder. Dans moins de 30 secondes, le journal de Réunion Première. tous avec Réunion Première et les 12h01. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Colère et sentiment d'insécurité sur le campus du Moufia suite au viol d'une étudiante dans une résidence universitaire lundi après-midi. Et après la manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines d'étudiants hier matin, un nouveau rassemblement est prévu cet après-midi. Pour améliorer la sécurité à la fac, faut-il fermer